Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo 107 FM, mais vous pouvez également nous écouter depuis notre site internet www.radiogemozo.eu. Et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour voyager ensemble dans la bulle avec mes deux invités, Rudy Durand et Marie de Mangel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, plus vieux mais bien. Et oui, il en faut. Oui, bah oui, ça va quoi, par ce mauvais temps. Voilà, il en faut malheureusement. Alors, on parle aujourd'hui de votre groupe de musique, Crossed Destiny. Oui. Est-ce que je prononce bien? Oui, c'est ça. Ouf. Bon, ça va, je suis rassurée. Alors, que faites-vous dans ce groupe pour commencer? On va un petit peu présenter ce groupe. Bah, moi je suis guitariste. Oui. Guitariste, ouais, moi, je suis... Ouais, bah, voilà, t'étais quoi. Bassiste dans un autre groupe. J'étais bassiste dans un autre groupe. D'accord. Il y a quoi, il y a en 2013 que c'était quoi en fait. Ok. Et puis maintenant je suis guitariste en fait quoi. D'accord. Voilà, quoi. Guitariste rythmiste, je fais un peu de solo et puis voilà quoi. Puis peut-être plus tard à faire un peu de chant, on verra bien quoi. Multicasquette. Et puis bah moi je suis pianiste au départ, enfin là c'est sur un synthé. Et puis je chante aussi et puis vu que c'était un bassiste, il m'apprend un peu la basse et je commence à m'y mettre aussi. Oh, c'est génial ça. Voilà. C'est génial. Et puis bah, on a la boîte à rythme qui nous accompagne. Ouais, pour voilà, l'instant. Quoi. Pour l'instant, parce que voilà, la grande recherche là, du groupe, c'est un batteur. C'est ça. Hein, alors, où est-ce que vous vous trouvez? En fait, moi je suis déjà basé à Jarmé et notre salle de répète, en fait, elle a la même salle à Jarmé, en fait. D'accord, ok. Elle est là-bas, quoi. Voilà, puis bah, moi je suis plus du côté de Fraise, la Croix-aux-Mines. Puis bon, on se retrouve du coup tous les lundis. Pour faire notre petite répète à Gérardmer. C'est chouette. Ouais, voilà quoi. Donc si un batteur dans le coin ou un petit peu plus loin qui a envie de s'investir avec vous, ce sera avec plaisir. C'est ça. Vous n'avez jamais eu de batteur pour l'instant? Vous avez toujours été que tous les deux dans ce groupe? Oui. Que pour l'instant que tous les deux. Puis là... On a fait quelques essais. Ouais, avec des personnes quoi. Et puis ça, soit c'est... ils avaient déjà un autre groupe et du coup ils ne pouvaient pas consacrer leur temps aux deux groupes. Ou alors, c'était pas forcément le même style et puis du coup, ça n'allait pas. Parlons style, justement. Quel est votre style? On va dire que c'est un peu multi-style. Ouais. On va dire que c'est un peu... ça regroupe un petit peu tout, quoi, en fait. Hein, aussi bien que le rock. Du punk. Punk, rock'n'roll, punk rock. Une musique plus douce aussi. Ouais, voilà, quoi, en fait. Hein, en fait, on va dire que c'est un medley, quoi. On va dire, c'est ça. On joue tout ce qui nous passe par la tête. Mais ouais, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ouais, ça peut être vraiment n'importe quoi. Des aspirations, en fait, hein, déjà, d'écouter beaucoup de choses et puis de... C'est ça. Puis de créer après, quoi, en fait. Hein. Alors, depuis quand vous êtes ensemble dans ce groupe-là? Depuis quand a-t-il été créé? Ça fait quoi? 4 ans? Ça fait 4 ans, à peu en près fait, 4 ans, oui. D'accord. Vous vous connaissiez déjà avant? Non. Pas du tout, non. En fait, on s'est rencontrés dans un bar. On peut dire le nom du bar ou pas? Bien sûr. En fait, c'est le café d'Amélie à Axorue. D'accord. Chez Gilles, en fait, hein, qu'on connaît bien. Enfin, que moi, je connais bien, que c'est un ami depuis longue date. D'accord. Et du coup, c'est devenu un ami aussi. Oui, puis c'est devenu à nous aussi un ami à elle. Quoi. Puis un soir, on s'est dit rencontrer. Ils ont débarqué. Enfin, t'as débarqué à l'époque. Ouais. Et puis, on a discuté. Et puis, voilà. Ah, tu fais quoi, toi? Moi, je travaille dans... Je suis électricien d'électricité, machin. Ah, sinon, tu fais quoi? T'as des hobbies? Ouais, je suis musicien. Un petit speed dating, quoi. Ouais, voilà. Quoi, c'était un speed dating musical, en fait. Hein, je précise bien. Puis en fait, on s'est rencontrés comme ça, quoi. Elle m'a dit, moi, j'étais chanteuse, je fais un peu de clavier. Bah, toi, moi, je suis guitariste. Et puis, on a commencé comme ça, en fait. Génial. Et puis, un jour, je lui ai dit, amène ta guitare. Et puis, quand il n'y a personne dans le bar, on se fait un petit bœuf tous les deux. Ouais. Donc, on était tout au fond du bar. Ouais, voilà, quoi. Puis, guitare, je crois que c'était... T'avais pris ton... C'était une acoustique ou c'était... Non, c'était la guitare électrique avec mon petit ampli, mon petit 15 watts. J'avais un petit 15 watts, en fait. Et puis, après, on a commencé à jouer toutes les semaines. Ouais. Et puis, on a fait un concert chez Gilou. Ouais. Puis, c'est bien passé. Alors, on a continué. Ben voilà, comme quoi, on peut faire de belles rencontres. Exactement. En fait, c'est l'imprévu qui fait que, des fois. Parce que toi, tu n'avais pas prévu de refaire un groupe au départ. Moi non plus. Pas vraiment, quoi. Bon, voilà, quoi. Alors justement, votre parcours musical, il commence comment ? Vous avez déjà fait partie de groupe. Pour toi, Rudy, ça a été le cas. Est-ce qu'il y a eu des passages, je ne sais pas, en conservatoire peut-être pour toi ou pas du tout, en autodidacte ? Moi, je suis totalement en autodidacte. Ouais. Je savais que j'ai appris tout seul, en fait. Hein. J'ai appris la guitare, en fait, j'ai commencé parce que j'écoutais déjà beaucoup de musique. D'accord. Parce que j'ai commencé la guitare à quoi ? À l'âge de 19 ans, assez tard d'ailleurs. Et en fait, l'aspiration de faire de la guitare, c'est en regardant en fait un reportage qui parlait sur le punk rock. J'ai toujours écouté un peu de punk rock, punk anglais, punk américain. Et il y avait le chanteur, un groupe qui s'appelait Damned dans les années 70, qui existe toujours d'ailleurs. Oui. Et en fait, il disait comme ça, mais comment vous avez commencé la musique ? Dans le reportage, je regardais, c'était sur France 2 à 4h du matin. et le mec, il disait, mais c'est pas compliqué, prends un micro et chante, et prends une guitare et joue. Ah. En fait, moi, ça m'a fait un déclic, en fait. Alors, j'étais avec mon pote à l'époque, et puis acheté une guitare, et puis voilà. Quoi. Génial. Et j'ai appris tout seul. Super. Voilà. Et toi ? Eh ben, moi, en primaire, j'ai fait du piano, du synthé, au syndicat. Ah oui ? Oui, pas loin. Bah, dis donc. Et puis, j'ai dû faire ça 3-4 ans. Et puis, j'ai arrêté, vraiment, pendant plusieurs années, jusqu'à ce que mon copain de l'époque avait un groupe à Gérardmer. Et puis... un jour, je devais, je sais pas, être chez lui en train de chanter dans sa chambre et il avait pas de chanteur. Et il m'a dit, viens jouer du synthé et puis chanter. Et puis on a commencé comme ça. Ça a dû durer 2-3 ans. Et puis après, pour les études, on s'est séparés. Il y a eu tout un truc. Et puis moi, j'avais arrêté de jouer jusqu'à ce que je re-rencontre Rudy. Waouh. Je re-rencontre. Enfin, je rencontre, oui. Super. Ça vous réunit vraiment la musique. Vous partagez de bons moments à ce moment-là. Ouais. Vous vous êtes bien trouvés, du coup. Oui, parce qu'on en parle souvent. Il n'y a jamais eu d'engueulade ou vraiment... jamais. Hein. On s'est jamais pris la tête. Non, on n'a jamais tension. Eu de tension. S'il y avait un problème, on l'aurait toujours. Oui. C'est toujours tous les deux, quoi, en fait. Hein. Voilà quoi en fait. Hein. Mais en fait, c'est ce qui fait vraiment le vrai groupe, c'est surtout l'entente, parce que l'équilibre est toujours délicat dans un groupe. J'ai fait l'expérience. Là, c'est vraiment le bon équilibre. On s'est rencontrés, on fait de la musique ensemble, puis ça va continuer encore un moment comme ça. Quoi. Puis il y a parfois des problèmes un petit peu d'ego dans certains groupes. Et du coup. Ah oui. Hein oh, j'ai déjà vu ça. C'est même choquant, ça me fait un peu peur quoi, de voir ça. Quoi. Bon, là, vous êtes à deux, du coup, c'est peut-être plus simple. Chacun trouve sa place tranquillement. C'est un peu plus. Un homme, une femme, ça se complémente en plus. Ouais, on a eu du mal à se décider à trouver, enfin, à chercher un batteur, en fait, parce qu'on avait peur qu'il y ait des problèmes d'entente, qu'on ne soit pas tous sur la même longueur d'onde. Donc, puis à un moment, quand on a commencé à tester avec un de ses amis à la batterie, on s'est dit, ça rend quand même vraiment mieux. Donc on va quand même chercher un batteur. Mais oui, ça donne une autre dynamique, c'est sûr. Alors je vous propose de se lancer dans une première bulle de son. Alors on va entendre une de vos compos un petit peu plus tard. Là, on va se lancer dans MC5, c'est ça ? Ouais. Allez, dis-nous le titre. MC5, Kick with the Jams. Ok, parce que moi, tu sais, l'anglais, je comprends. C'est un peu mon morceau favori. Ça. Ouais. C'est ce qui m'a pas mal poussé aussi. Quoi. Ah bah c'est chouette. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour en parler. I know how you want it all, I quit. Vache, ça déménage, hein, on se met bien dans l'ambiance là. Vous proposez des styles comme ça, un peu très dynamiques. On en a quelques-uns. On va parler de votre style, donc on précise que vous ne proposez que des compos. Hein. C'est oui. Vous qui faites votre musique, ça c'est génial, parce qu'on voit beaucoup de covers, on voit beaucoup de reprises, mais vous, c'est pas ce que vous proposez, vous composez. Non, nous en fait c'est notre décision, parce que moi dans mon ancien groupe en fait on faisait que des reprises quoi. Comme dans mon ancien groupe, je sais pas si dans le tien c'était pareil. Non, c'était que des compos. Quoi, c'était que des compos. Alors, bon, moi j'en avais un peu marre de faire toujours des reprises. Bah oui. Puis à chaque fois qu'on se retrouvait sur des petits festivals, on va dire, voilà quoi, entre guillemets festivals, tous les groupes, ils allaient faire les mêmes morceaux. C'est nous on se retrouvait là-dedans aussi. Oui. Et au bout d'un moment, je dis pourquoi, lorsqu'on peut, on peut créer par soi-même aussi, quoi. C'est ouais. Ça qui est intéressant. Quoi. Ouais. Puis on s'est mis d'accord avec Marie, puis Marie, on est d'accord tous les deux en disant on va faire que des compos, c'est quand même plus gratifiant pour nous de faire des compos, ouais. Et puis même pour les gens. Quoi. Sur scène, c'est pas la même chose. Quand on fait une reprise, ça vient pas vraiment de nous, c'est pas pareil. Là, on est fiers de proposer quelque chose qu'on a vraiment fait du début jusqu'à la fin. Mais c'est audacieux quand même, parce que souvent les gens, ils testent un petit peu leur talent, entre guillemets, leur savoir-faire par des cover pour savoir si ça répond, mais vous, hop, direct dans le grand bain, compo. Oui, mais après, moi, par exemple, j'ai beaucoup fait de reprises quand je faisais du piano en primaire, je faisais que ça. Et c'est ça qui m'en a dégoûté, parce que vraiment, c'était fallait suivre la partition, fallait... Oui. Non, c'est vraiment pas mon truc, puis je pense que c'est pas le tien non plus. Non, moi, c'est pareil, moi, je peux plus, quoi. C'est tout à votre honneur, c'est génial de proposer des compos, mais qu'est-ce qui vous inspire et qui compose, du coup? Ça part vraiment sur... on est en répète, on commence à rejouer toutes les musiques qu'on a fait. Oui. Et puis, à un moment, Rudy s'arrête, commence à faire un petit truc à la guitare pour s'amuser. Et je commence à suivre avec le piano, et puis souvent ça démarre comme ça. D'accord. Et puis oui, voilà, c'est vraiment au feeling. Puis après, moi, je commence à chanter un peu en yaourt, et puis j'écris des paroles derrière. C'est génial. Donc du coup, c'est souvent des paroles en anglais ? C'était jusqu'à il y a quelques mois que des paroles en anglais. Oui. Et puis un jour dans ma voiture, j'ai eu envie de d'écrire quelque chose en français. Et c'est la première que j'ai fait en français. Et puis je pense que j'en ferai d'autres parce qu'on a eu de bons retours. Donc autant essayer. C'est quoi la différence du coup quand tu chantes en anglais qu'en français ? Mais en fait, j'ai toujours eu peur de faire des paroles en français par rapport au style d'écriture. Il faut quand même que ça soit assez beau à écouter. Ouais. Donc en anglais, c'est pas ça pareil. Passe. Ça passe un peu mieux, je trouve. Mm-hmm. Donc il faut. C'est surtout une histoire de confiance en soi, je pense. Oui. Et vous arrivez à vous mettre d'accord sur les compos ? Par exemple, toi, Rudy, quand Marie propose ses paroles sur la musique, est-ce que tout de suite ça te parle ou est-ce qu'il y a des fois où tu dis non, là, ça... Bon, non, habituellement, elle écrit très bien. Oui. Bon, après, quand c'est en anglais, elle me fait la traduction, en fait. Quoi, parce que moi, je ne parle pas l'anglais. Ouais, désolé pour ceux qui parlent anglais, moi, non. Moi, je suis un bon vieux français, tu es loup. Non, mais elle fait les traductions, mais bon... des fois, je vais donner l'idée. Bah, tu sais, la musique, ça te fait penser à quoi ? Qu'elle va me dire, écoute, ça me fait penser à telle chose. Et hop, elle va adapter les paroles, parce qu'elle sort à chaque fois, en fait. Moi, ça me plaît tout le temps, en fait. Moi, ça me... Voilà, quoi, en fait. Il est parfait, cet homme-là, dis donc. Il n'est pas difficile. Ah non, mais je ne suis pas difficile. Mais bon, je veux dire, si on s'entend bien musicalement, c'est de l'artistique, après. Ouais. C'est plutôt rare de trouver une personne côté artistique qui se ressemble, en fait, ouais, là-dessus, que ce côté artistique, quoi. C'est vrai. C'est quand même dingue, quand même. Enfin, alors, de quoi ça parle, vos chansons ? De beaucoup de choses. J'ai une chanson qui parle de mes parents, Ouais. Du fait qu'ils m'ont toujours soutenue. Enfin, voilà, une chanson assez, comment on dit, émotive. Ouais. Et puis bon, on a des chansons qui parlent de une plus punk, des soirées entre amis, une chanson qui parle du rock'n'roll. C'est une des premières qu'on a faites. Celle-là, ouais. Mais ça dépend, vraiment, ça peut toucher à tout. Est-ce qu'il y a des sujets vraiment phares, des sujets qui te tiennent à cœur ? Non, ça, ouais. Ça dépend comment je vois. C'est ce que je dis souvent, Rudy, quand tu écoutes la musique, qu'est-ce que tu vois ? Pour moi, c'est toujours associé à des images. Dans ta tête, tu penseras toujours à quelque chose. Et c'est souvent qu'on en parle tous les deux, et c'est comme ça que je fais les paroles par rapport à ça. Quoi. Combien de temps ça vous prend, par exemple, de composer un morceau ? Ça dépend. Hein. Mmh. Oh, des fois, ça peut mettre un bon bout de temps. Oui. Des fois, ça peut durer 20 minutes. On a trouvé déjà la mélodie par les paroles. Oui. Parce que pour les paroles, il faut aimer. Mais des fois, on a trouvé la mélodie. C'est instinctif, hein, un peu. C'est, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah mais... oui, oui. Bah, y a des musiques qu'on a fait tout au début. Enfin, tout au début. Peut-être pas non plus tout au début, mais il y a un ou deux ans. Qu'on ne fait pas en concert parce que j'arrive pas à trouver des paroles. Donc, on les fait entre nous. Mais... il y a des fois, j'arrive pas, ça bute. Eh ouais. Et pourquoi pas proposer des morceaux sans paroles ? Ah, je sais non. pas. Non, ça peut être une idée aussi, ça. Ça pourrait être aussi, mais je crois qu'on en avait une des dernières qu'on a faites où tu es au piano, parce qu'il se met aussi au synthé des fois. Ah, vous échangez, du coup, toi tu fais de la basse et lui il fait c'est du synthé. Ouais, voilà, c'est génial. Et ben celle-là, il y a vraiment pratiquement pas de paroles. Hein. C'est pratiquement non, que de l'instrumental. Moi, j'ai encore à travailler quand même sur le clavier. Quoi. Non, c'est bien déjà. Est-ce que vous chantez parfois tous les deux ? Bah, moi, c'est en projet ouais. que je chante. Pas trop facile pour moi, on va dire. Hein, parce je l'ai poussé. Pourquoi ? Ouais, elle est en train de me pousser. Après, c'est pas très évident non plus. Hein. Pourquoi ? Bref, bah, disons que la voix, c'est quand même plutôt un instrument qui est plutôt spécial quand même. Quoi. Mm. C'est l'instrument le plus spécial qu'on puisse avoir, je pense. Mm. Hein. Moi, je suis guitariste, c'est pas pareil, mais la voix, par contre, c'est autre chose. Quoi. Tu te sens plus exposé ? C'est-à-dire ? Tu as l'impression que tu as moins le droit à l'erreur, par exemple ? Bah, disons que... Déjà, quand on chante, on s'entend pas chanter non plus. Mm. Et c'est ça le problème, et ça pour l'instant c'est un peu gênant, on va dire. Il oui. y a Marie qui est à côté, qui est chanteuse, elle me dit ouais, tu chantes bien, mais moi je suis à côté, ouais, bah bon, je sais pas, enfin, c'est pas évident pour moi. Quoi. Mais après ça se travaille, quoi. Je travaille en ce moment, quoi. Puis oui. Je pense que ça fera. Quoi. Mais on a pour but de chanter ensemble, oui, aussi, de ouais. faire des chœurs ou autre. C'est pour ça que c'est cool qu'ils commencent à se mettre à chanter, parce que ça apporte quelque chose en plus. Deux ouais. voix, une voix masculine et féminine, je trouve oui. que ça rend vraiment bien. Et puis toi, t'as une voix toute douce et Rudy, elle voit beaucoup plus. C'est ça. Voilà, t'as du coffre, quoi, on entend tout de suite. J'imagine que si tu chantes, tu peux te lancer dans le métal à l'aise. Préférons le bois. mais pas que, c'est ouais, pas un stéréotype. Si j'imagine, ça forge quand même la confiance en soi de faire partie d'un groupe, de faire aller ses talents. Oui, mais oui, c'est sûr. Mais après, on est toujours, on a beau avoir confiance et aimer ce qu'on fait, savoir que les gens aiment bien, on est toujours stressé quand arrive le moment où on le montre. Alors, est-ce que vous produisez parfois sur scène ? De temps en temps. Oui. On s'est pas trop produit souvent. Hein. Oh, pas tellement. Non, en fait, je sais pas. C'est le dernier concert qu'on avait fait, c'était. C'était au Grattoir ou à la MCL ? C'était au Grattoir. Au Grattoir. On avait joué au Grattoir, en fait. On avait fait une scène ouverte au Grattoir à Gérardmer. Mais c'est vraiment quand l'occasion se présente, quoi. Puis par rapport à nos travails respectifs, c'est toujours un peu plus compliqué aussi. Ouais. C'est pas la vraie démarche de vous produire pour l'instant ? Bon, on aime hein, se produire, mais oui, c'est... Bah, vous voulez faire la scène ouverte, là, le spin live que c'est... Oui. Et puis finalement, bah, comme Marie, à son boulot aussi, ça n'a pas été trop évident non plus. Alors bon, ça fait qu'on va repousser ça pour l'année prochaine, je pense. Déjà, je pense, oui. Spin it live organisé par la Souris Verte. Oui, c'est ça, exactement. Saluons. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, on se lance dans l'ambiance des Cross Destiny. Oui. Avec un son que vous avez choisi, donc The War. Ouais. The War. The War. La guerre. Tu en vois, français. Moi non plus, l'anglais, c'est pas mon. la je guerre. Suis pas tout seul. Non. Je pense qu'on est nombreux, mais on se cache. Alors, bah, ça parle de la guerre, justement. C'est ça. Hein d'un soldat à la guerre qui part au front et puis qui explique. Comment je pourrais dire ça ? qu'il va y aller, qu'il va risquer sa vie pour sa patrie. Et à la fin, il explique qu'il a perdu sa vie justement pour sauver... voilà, bref. Oui. Un texte assez fort, du coup. C'est ça. Ok, on écoute ça tout de suite. Thank you. Vous avez plongé avec nous dans l'univers de nos deux invités. Franchement, bravo. Moi, j'ai vraiment aimé. Merci. C'était sympa. Très bonne chanteuse, très bon guitariste, en tout cas. Bon. Voilà. Merci. En tout cas, bon, c'est mon avis. Alors, du coup, bah, on l'a bien entendu, hein, cette boîte à rythme, il est temps de trouver un batteur. Oui. pas que ce soit pas beau, mais je pense que voilà, ça amène une profondeur différente. Oui, oui. Et puis surtout, c'est votre envie. Alors, on va faire un point sur cette recherche. Qui recherchez-vous pour intégrer votre groupe? Quel est votre idéal? Une petite annonce, là. Hop. Un batteur qui peut vraiment jouer de tout. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment autant de la douce que de la musique un peu plus bourrine. Qu'il soit un batteur assez éclectique, en fait. Ouais. Mm-hmm. Qu'il soit un peu comme nous, qu'il puisse écouter un peu de tout aussi, quoi. Puis, c'est ça. Qu'il ne se prenne pas la tête. Qu'il puisse se prenne pas la tête non plus, quoi. Ouais. Voilà, quoi, c'est surtout ça. Et puis qu'il comprenne qu'avec le travail qu'on a à côté, on n'est pas toujours dispo pour jouer vraiment tout le temps, quoi. C'est pas... On ne veut pas faire carrière non plus dans la musique, quoi, voilà. qu'il ait un petit peu la même philosophie de la musique que vous. Ouais, voilà, quoi. Qu'il soit là pour le plaisir, parce que ça, c'est une notion très importante pour vous. Vous le faites vraiment pour le plaisir, pour vous faire du bien. Exactement, oui. Mmh. C'est vraiment pour le plaisir, quoi. Je ne sais pas comment dire ça, quoi. C'est le maître mot. C'est le maître mot, exactement. Voilà. Et qu'il soit disponible, bien sûr, les lundis. C'est ça. Voilà. Après, on peut bouger, hein, mais c'est vrai qu'habituellement, c'est le lundi. Okay. C'est quoi les projets pour vous? Alors là, j'ai des projets à côté, mais alors au niveau du groupe de musique, ça dépendra. Bah, déjà, le batteur, c'est déjà un beau projet. Oui, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est quoi. Vrai. On travaille un peu sur l'électro, là. Oui, aussi. Un petit peu sur l'électro, quoi, en fait. Hein. Oui. Avec ça, synthétiseur. Synthétiseur analogique. Ah, génial. On a essayé un petit peu, là, en fait. On s'est bien amusé d'ailleurs. Oui. C'était bien sympa, quoi. Ça ressort très bien aussi, quoi. Voilà, quoi. Au début, ça ressemble à rien. Ah, au début, ça ressemble à rien, mais après, c'est le temps de s'adapter aussi à l'instrument. C'est pas un instrument non plus qui est facile à en prendre en main direct. Hein. Oui. Mais sinon, voilà, quoi. On a essayé de faire deux, trois choses avec, et puis ça pourrait peut-être aboutir sur un projet aussi. Super. Je pense. On avait parlé aussi à un moment qu'on aimerait bien faire des vrais beaux enregistrements. Aussi, oui, ouais. Ça serait bien. L'enregistrement qu'on vient d'écouter, c'était à la maison. Ah, c'est ça, on a un tout petit enregistreur. En fait, c'est le batteur des trois maisons, c'est chez moi. Bon, je m'adresse, je m'en fous. Mais en fait, c'est chez moi, Jean Armé, en fait, qu'on a fait ça. Ouais. Voilà, quoi. Et bah oui, il faut bien commencer, il faut bien un endroit. C'est ça. Ouais. Tout début, c'était avec les téléphones. Ah, et bah oui. C'est vraiment... Depuis quand vous commencez à enregistrer vos sons? Oh, ça a été, c'était bien, t'es sûr? Je crois pas. Au début, c'était sur téléphone, mais on n'a jamais posté sur Facebook ou autre. On avait vraiment attendu d'avoir un truc un peu plus... On a acheté un petit enregistreur, en fait. Ouais, moi, je crois que ça fait un peu plus de 2 ans, peut-être. Quelque chose comme ça, un peu plus de 2 ans, hein. Oui. On a acheté un petit enregistreur, en fait, avec une... Bah, toute façon, une carte SD dedans, quoi. Tu vas voir sur Facebook, et puis le premier enregistrement, on a dû vraiment le faire la veille et le poster directement. Ouais, ça a dû être comme ça. Oui, donc c'était vraiment destiné à un petit peu montrer ce que vous faites sur les réseaux. Ah, oui. Ouais. C'était vraiment pour ça. Ok, vous avez eu des retours du coup? Oui, bah, on a toujours des amis qui nous en parlent, ou dans les concerts, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir après aussi. Mm-hmm. Et puis voilà, que c'est toujours des critiques constructives. Ouais. Et puis on a souvent des compliments, mais ça fait toujours plaisir. Ouais. C'est vrai que c'est important. Et puis les critiques constructives, c'est très important pour un petit peu évoluer dans son travail. Alors les autres projets, ben, tu le disais, c'est peut-être plus de chansons en français. C'est ça, oui. Voilà, de la voix pour Rudy. Pour Rudy. Un peu trop, peut-être. Donc, on parle de Facebook. On vous retrouve sous quel nom? Alors, le nom du groupe? Eh ben oui, Cross Destiny. Ok. Est-ce qu'il y a un site internet, peut-être? Pas encore? Non, pas de site internet. Non. Moi, je pense déjà Facebook, tranquille. C'est pas mal. Ouais, on y va tranquille. Combien y a-t-il de compos au sein de votre groupe? Mais en fait, on en a enlevé, enfin, on en a arrêté, remis, mais on en a beaucoup. Hein. On avait pas mal, ouais. À un moment, on en avait plus de 20, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. 20 ou 30. Ah oui. Puis on a descendu, je saurais pas dire combien exactement, mais... Bah, disons qu'il y a une différence entre les premiers temps, quand on avait joué, et puis ce qu'on a fait maintenant, quoi. Mm-hmm. Ce qu'on fait, ouais, ce qu'on... On a senti l'évolution. Ouais. Ouais, voilà, quoi, une certaine évolution. Et à certains morceaux qu'on avait fait avant, on réécoute plus. Et on s'est dit, ouais, c'est... Ou alors on peut les remasteriser, quoi. On a essayé. Et puis ça non, ça n'a pas marché. On préfère créer quelque chose de totalement nouveau plutôt que de remasteriser quelque chose qui nous fait plus vibrer, on va dire. C'est quoi, on en reparlera dans 20 ans, on fera un very best-of. Et c'est ça qui est génial quand on s'enregistre, c'est qu'on peut se réécouter et voir justement l'évolution qu'on a eue. C'est incroyable. Qu'est-ce qui vous inspire musicalement, vous, de votre côté perso? Ça, c'est la question qui tue. Ce qui m'inspire musicalement... Par exemple, à la base, quand vous étiez jeune, tu nous parlais un petit peu, toi, de tes goûts musicaux. C'était quoi votre style de musique quand vous étiez très jeune et puis aujourd'hui? Enfin, je ne dis pas que vous êtes très vieux. Avec l'évolution du temps. Ça a totalement changé. Toi, c'est resté un peu la même chose, non? Pas tout à fait, non. Mais moi, ça a vraiment changé radicalement. Disons qu'il y a des trucs que je n'ai pas écoutés depuis 10 ans, puis je vais réécouter maintenant. Ouais, alors ça fait plaisir de réécouter. Moi, non. Ouais, c'était vraiment les musiques de base, des collégiens, lycéens. J'étais dans le moule, comme on dit. Ouais. Puis j'ai réussi à en sortir. Comment alors? Oh, ben, en rencontrant des gens qui me font découvrir des musiques. Mon ancien groupe, Rudy, mon père qui a plus partagé après, ma mère aussi. Et puis voilà. Ça, c'est chouette. Vous êtes soutenue par votre famille? Oui. Pour moi, c'est pareil, quoi. Ils viennent pratiquement à chaque fois. Hein. Ouais. Les amis, la famille. Je crois que ma mère était venue une fois. Mais ta mère était venue aussi. C'était Axon Rue. Est-ce que vos parents vous ont plongé un peu dans la musique quand vous étiez jeune ou vraiment ça vient Par rapport à mon père, ouais. Un petit peu, quoi. Puis par rapport à mon frère aussi, parce qu'il écoutait pas mal de hard aussi quand j'étais gamin. Ouais. Et Roy Maiden, enfin tous les groupes. Ouais. J'entendais ça en fait quand j'étais gamin. Mon père, c'était pas mal le country. Ah ouais? Ouais. Il adorait la country aussi, en fait. Ça lance déjà dans l'éclectisme, quoi. C'est ça, voilà, quoi. Pas mal le country. Je sais qu'il était fan de ABBA. Ah oui. Ouais, mais il était fan de ABBA, quoi. Bah, il a vécu la génération, en fait, 49. Puis il était quoi, il fait de l'accordéon, il était musicien. Puis... Super. Ouais. Ouais. Donc déjà, il y a une bonne base là. Ouais, bah moi, c'est un peu pareil. Hein. Mon père a toujours fait du piano, de la guitare. Du côté de ma mère, c'est plus des chanteurs, on va dire. Mon grand-père est diacre, alors on allait souvent chanter à l'église et tout ça. Génial. J'ai souvent joué aussi de l'orgue pour les sorties d'église. Ah. Et puis, du côté de mon père, à chaque repas de famille, c'était la guitare, le piano, le chant, le karaoké. Il y avait vraiment, c'était une ambiance. C'est toujours basé un peu là-dessus, ça tournait toujours autour de ça. Et puis, c'est eux qui m'ont inscrit du coup pour faire du piano. Et puis, je suis restée dedans. Et puis... Ça te plaisait de prendre des cours? Au début, oui. Mais après, je trouvais ça justement trop scolaire, en fait. J'avais beau être toute jeune, c'est pour ça que j'ai arrêté. C'était trop carré, trop... T'avais besoin de laisser parler ta créativité. C'est ça, ouais. J'avais plus besoin de ça. Quand j'étais chez moi, c'était vraiment... Je faisais des petits trucs, même si c'était nul. Sur mon synthé, avec mon frère ou mes petites sœurs, à quatre mains, on s'amusait un peu. Et je préférais ça au cours. Voilà. T'as eu les bases et puis après, tu t'es envolée. C'est ça. Et ça, c'est beau. C'est beau. Est-ce qu'on se lance dans notre troisième bulle de son avec un style complètement différent? Oui, et puis c'est un groupe vosgien en plus. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est toi qui l'as choisi. Dis-nous en plus. C'est Diego Palavas, c'est un groupe de punk. Ouais, pour la crise, du coup. C'est ça. Comment tu les as découverts? Un ami à moi qui était totalement fan, qui bossait au Val d'Ajol et qui m'a dit « C'est un groupe qui vient du Val d'Ajol, vite, faut que t'écoutes. » Puis... Ça nous étonne pas, ça. Et puis du coup, ça fait bien 2-3 ans que je les écoute. Peut-être 2 ans, ouais. Et puis je suis toujours aussi fan, j'aime bien. T'as déjà été les voir? J'aurais dû plusieurs fois et un peu déçue parce qu'à cause du boulot, il y a toujours eu un petit contretemps. Mince. Mais je vais aller les voir, je le sens, je le sais. Mais ça doit être sympa d'aller voir des concerts justement d'artistes. Est-ce que vous piochez parfois, excusez-moi, je continue avec conversation, mais j'ai des trucs qui me viennent comme ça. Est-ce que parfois vous dites « Ah, ça c'est génial, il faudrait qu'on essaye ». Ouais, surtout par rapport aux instruments, aux pédales que les gens ils ont. Ouais, c'est ça, ouais. Les effets, c'est hallucinant. Ah ouais, ça nous donne envie d'essayer. Ouais, des fois, on voit des trucs, oh la vache, c'est pas mal. Ouais. Souvent, c'est quand on aura des sous, on achètera pareil. Ouais, c'est ça, voilà, ce que j'allais dire. Ouais, c'est quand même un investissement, vous avez du matériel, mais tout vient de vous, quoi. Bah, en fait, la plupart vient de toi, parce que toi, t'avais déjà tout à la maison. Puis au fur et à mesure. De toute façon, puis j'ai racheté aussi. Ouais, et puis on a racheté des pédales. Des pédales, ça. Tout ça, quoi. Ouais. Avec le temps. Toi aussi, c'est pareil, t'avais mis aussi, hein, je veux dire. Bah, moi, j'avais mon synthé. Non, mais ton synthé, mais déjà, t'as racheté tout ce qui était cap jack. Ah oui. Parce que voilà ce qu'on a besoin, quoi, en fait. En fait, on a un peu des deux. De toute façon, on avait aussi un peu les deux. C'est une belle entente, une belle complicité tous les deux, c'est cool. Oui. Bon allez, j'arrête de discuter, on écoute Diego Palavas pour La Crise, on se retrouve juste après. Foutre de ma gueule, hein. C'est bien ça, hein. Moi j'ai bien aimé. Oui. Je vous souhaite d'aller les voir quand même. Ouais, j'espère aussi. Est-ce que vous avez déjà justement rencontré d'autres groupes locaux avec qui échanger? Le groupe Mo. Mo, oui, ce qui est vraiment un bon groupe d'ailleurs. Ouais, qui est vraiment du rock français, très bien. Ouais. Et puis bah après, on en rencontre tellement quand on fait des scènes ouvertes. On rencontre pas le petit groupe. De toute façon, puis on connaît du monde aussi, hein, quand on est musicien. Moi, je connais pas mal de monde, puis toi, c'est pareil, tu connais aussi pas mal de monde. Alors bon, voilà, quoi, en fait. C'est une grande famille. C'est un peu ça, quoi. La musique, c'est un peu une grande famille aussi. C'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. C'est une musicienne qui le dit. Est-ce que c'est facile de concilier tout ça avec votre vie perso, pro? Des fois, on a eu quelques problèmes avec mon ancien travail. Avec ton ancien travail, oui. Ça n'a pas été facile. Mm-hmm. En hôtellerie-restauration, quand on bosse non-stop juillet-août, des fois, on n'a pas pu faire de répète pendant plus d'un mois. Hein. Mm. Ça a déjà arrivé. Ouais. Mais ça, après, bon, ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux après, c'est... Oui. Ouais. Puis maintenant, on arrive à peu près à trouver un équilibre. Ça va, quoi. Oui, vu que je suis à mon compte. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Quand on peut, on peut. Si on peut pas, on peut pas. Après, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, si je peux me permettre? J'ai un food truck. C'est pas vrai? Oui, sur Fraise, Saint-Léonard et tout ça. Ah bon? Mais c'est comment, ton food truck? C'est un nom assez spécial. Vas-y. C'est le Tagle Truck. Mais c'est génial, ça. Il fait des tacos et des bagels. Oh là là, tu peux pas venir vers ici ? Non, c'est compliqué. J'ai plus d'une heure de route, alors... D'accord, moi, si vous êtes là-bas, dans le coin de Saint-Dié, n'hésitez pas, tu te mets où ? Bah, je me mets vers Bandes-Lavelines les mercredis soirs, à Fraise les mardis midi, vendredi midi, dimanche soir, et puis à Saint-Léonard devant la boucherie au Fumée d'Alex, qui d'ailleurs je conseille aussi, est une bonne boucherie. Je me mets là les jeudis soir et samedi soir. C'est génial, est-ce que ça fonctionne bien ? Oui, franchement, c'est la première année, mais on a des bons retours. C'est une grande tendance, hein, ça. C'est vrai que oui. Les gens, ils aiment bien, ils peuvent bien manger juste à côté de chez eux, ça, c'est génial. C'est oui. Des produits que tu fais toi-même ? Alors, les pains, c'est en boulangerie, et puis on n'a pas de congelé, on essaie de prendre que du frais. Ouais. Et puis bah, après, oui, on a deux sauces qu'on fait soi-même, et au fur et à mesure, on aimerait en faire plus des c'est maisons. C'est génial. Tagle Truck, c'est ça ? C'est ça. Après, les samedis et dimanches, je suis haut du taux en juillet-août. Donc, je ne suis pas trop loin. T'es un peu une antisociale, toi. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est pas moi, c'est mon copain qui a décidé. Il m'a dit tacos, bagel. On relie les deux, ça fait tagle. Ah, bah ça, c'est vrai. Au moins, ça marque les esprits. Voilà, hein, c'est ça. Et toi, Rudy, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bon, en fait, je travaille dans l'électricité. Oui. Dans la préfabrication électrique. D'accord. En fait, c'est pieuvriste. Ok, pieuvriste. Bon, Tagle Truck et pieuvriste, moi je sais plus quoi dire, c'est génial. Ah, c'est pas banal. Hein. Je connaissais pas là, franchement, ok. Et voilà, j'imagine que dans votre groupe, bah, vous pouvez carrément tout mettre de côté. Hein. On se plonge dans la musique. Est-ce c'est que... ça. Hein, exactement. Ça doit faire du bien quand même. Ah bah ça défoule à mon coup. Ouais. Est-ce que c'est un peu un exutoire ça ? Oui. Je pense, ouais. Quand il y a un truc qui va pas, soit l'un ou l'autre... On va discuter un petit peu. On discute souvent. Puis après ça, boum, on fait répète. Tu veux faire quel morceau ? Bah tiens, on fait le morceau là, ça va défouler un bon coup. C'est ça, c'est souvent puis le on même. Hein. Puis finalement, ça fait du bien. Quoi. Voilà quoi, c'est vraiment l'exutoire, oui. On vous souhaite en tout cas de très belles choses parce que franchement, tous les deux, vous êtes trop mignons. Vous dégagez une bonne énergie, une belle complicité. Et c'est pour ça que vous faites de la bonne musique parce que voilà, le cœur y est et c'est bien là le principal. Là. Et donc, vous recherchez un batteur, on le redit encore. Alors, où est-ce qu'il vous appelle ce batteur s'il a envie de venir avec vous ? Ben, je pense que le plus simple, ça serait d'envoyer un message ouais. privé sur Facebook. Ouais. Ouais, sur Messenger, sur notre page. Et puis, nous, on le reçoit puis on répond. Quand, en fait, ouais. hein. Ben voilà. Non, puis même pas forcément que pour rester dans le groupe, même pour faire un petit bœuf de temps en temps, ça peut être cool aussi. Hein. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Mmh, y a on plein est ouvert de... à toute proposition. Voilà, alors, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bah en tout cas, moi, j'ai été vraiment très ravie de vous recevoir aujourd'hui dans les studios de Radio Guémozo pour partager un moment avec vous dans la bulle. C'est une très belle rencontre de mon côté. Et puis, j'espère que bah, je pourrai vous voir jouer quand même. Bah oui, on espère aussi. Ouais, bah, on espère aussi. Quoi. Puis, pour nous, c'est pareil aussi. Oui. Merci à la Radio Guémozo de nous avoir accueillis. Bah, c'est avec grand plaisir. C'est très sympa. Et puis, très sympathique. Et puis, si jamais vous passez dans le coin ou même un peu plus loin, vous me contactez. Et puis, moi, je viens vous voir et on fait de la promo. Quoi. Ok. Ouais, il n'y a pas de souci. Cette émission sera rediffusée vendredi à 18h. Elle sera présente en podcast sur notre site internet et notre page Facebook avec bien sûr le lien directement sur votre page Facebook à vous, au groupe, eh bien, pour que vous puissiez voir un peu qui était là avec nous, nos invités. Et puis toi, batteur, eh bien, n'hésite pas à contacter nos amis avec grand plaisir si tu es ouvert d'esprit, que tu aimes la bonne musique et que voilà, tu es agréable, cool, avec plein de positivité. Tu seras le bienvenu. Oui. Hein ? Oui, exactement. On t'attend. Ouais. On t'attend, cher batteur. Où te retrouves-tu ? Ou une femme même, hein ? On dit batteur, oui. Mais est-ce que ça existe ce mot pour les femmes ? Je ne sais pas si on dit batteuse. Ou batteuse ou batteur. Je ne sais pas. Bref. Enfin, de toute façon, qu'importe, de toute façon, que ce soit une femme ou un homme. Voilà. Ou les deux. Ou les deux. C'est la mode de l'hybride, c'est comme. On vous embrasse bien fort. Merci d'être venu aujourd'hui pour tous nos auditeurs. Et bien, votre programme sur Radio Guémozo continue. On se retrouve très, très bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas, hein, c'est comme à chaque fois, bonheur, joie et rire à tous. Give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck, give neck underrated. Underrated. Great sound. Your neck.